Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet-Dupré 1861. Question 17. Des actes commandés par la volonté. Notion du commandement, les animaux ne commentent pas. Rapport entre le commandement et l'usage, identité du commandement et de l'acte commandé. Quelles sont dans nos facultés les actes commandés ? 1. Est-ce la volonté qui commande, ou est-ce la raison? Le commandement est essentiellement un acte de la raison et de la volonté. D'abord, il est essentiellement un acte de la raison. En effet, celui qui commande établit un rapport entre le sujet commandé et un objet déterminé. Or, c'est à la raison qu'il appartient d'établir un tel rapport. Aussi le commandement est-il quelquefois exprimé sous la forme indicative, lorsque, par exemple, on dit à quelqu'un « vous avez à faire ceci ». En second lieu, le commandement est un acte de la volonté, car il contient une intimation qui s'exprime plus souvent encore à l'impératif, comme dans ce mot « faites ceci ». Il est clair que la raison n'intime un tel ordre que par la vertu même de la volonté, qui est le premier moteur des facultés de l'âme, le second moteur ne mouvant qu'en vertu du premier. L'impulsion donnée par la raison dans le commandement procède virtuellement de la volonté elle-même. Ainsi, c'est à la raison de commander, avec le concours de la volonté, qui donne l'impulsion. 2. Les animaux commandent-ils ? Commander est un acte de la raison qui met quelqu'un en rapport avec quelque chose en lui communiquant une certaine impulsion. Les animaux sont dépourvus de raison, le commandement ne leur convient pas. Note. Nous ne voyons pas, dit Buffon, que les animaux qui sont les plus forts et les plus adroits, commandent aux autres et les fassent servir à leurs usages. Fin de la note. 3. L'usage précède-t-il le commandement ? L'usage ne précède pas le commandement, c'est, au contraire, le commandement qui précède l'usage, par la raison simple que le commandement précède naturellement son exécution. Voici l'ordre psychologique de ces faits, après le conseil, vient l'élection, après l'élection, le commandement de la raison, après le commandement de la raison. La volonté commence à faire usage en se mettant à l'œuvre pour exécuter le commandement. 4. Le commandement et l'acte commandé sont-ils un même acte ou plusieurs actes ? Rien n'empêche que certains objets soient un sous un rapport et multiples à un autre point de vue. Ainsi, dans l'ordre physique, un tout est composé d'une matière et d'une forme, sans cesser d'être un, malgré la multiplicité de ses parties. La même chose a lieu dans les actes humains. Lorsque l'acte d'une puissance inférieure peut être considéré comme la matière sur laquelle s'exerce une puissance supérieure, celle-ci lui sert pour ainsi dire de forme, et de deux actes il n'en résulte qu'un seul. Le commandement et l'acte commandé sont, de cette manière, un seul et même acte humain, parce que l'acte du premier moteur devient comme la forme des actes de son instrument. Mais, pour être un à la façon d'un tout, ils n'en sont pas moins multiples en eux-mêmes. Note. Lorsqu'une puissance en meut une autre, leurs actes sont un seul et même acte, du moins d'une certaine manière, car l'acte du moteur et du mobile est le même. Que le commandement et l'acte commandé puissent être séparés, soit. Mais il s'ensuit seulement qu'ils sont distincts comme parties. Les parties de l'homme peuvent aussi être séparées les unes des autres, quoiqu'elles soient un seul être dans leur ensemble. Fin de la note. 5. L'acte de la volonté est-il commandé? Les actes de la volonté peuvent être commandés par nous, puisque, Comme acte volontaire, ils sont en notre pouvoir. Il est évident que la raison que ordonne ces actes, est, qu'en vertu de son commandement, nous sommes portés à vouloir. Quand notre âme se commande parfaitement à elle-même de vouloir, dit saint Augustin, elle veut, quand elle se commande et ne veut pas, elle ne doit s'en prendre qu'à l'imperfection de son commandement. Note. L'homme, en tant qu'être intelligent et voulant, se commande à lui-même les actes de sa volonté. Il faut accepter, cependant, le premier acte de la volonté. Celui-ci provient, non de la raison, mais de l'instinct naturel ou d'une cause supérieure. Fin de la note. 6. L'acte de la raison est-il commandé? L'homme, dit saint Jean Damascène, s'enquiert, scrute, juge, dispose par son libre arbitre. Il est clair que ce que nous faisons par notre libre arbitre est fait à notre commandement. Ainsi les actes de la raison peuvent être commandés. Et, en effet, cette puissance, en se repliant sur elle-même, dispose de ses actes propres, comme de ceux des autres facultés. Il faut observer, toutefois, que la raison peut être envisagée de deux manières. D'abord, quant à son exercice même, et, en ce sens, son acte peut toujours être commandé, comme on le voit, par quelqu'un à qui l'on ordonne d'être attentif et de faire usage de sa raison. On peut l'envisager ensuite dans son objet, et ici nous nous trouvons en présence de deux sortes d'actes. Le premier consiste à saisir une vérité, il n'est pas en notre pouvoir. Un tel acte résulte d'une lumière naturelle ou surnaturelle, nous ne le commandons pas. L'autre consiste dans l'assentiment que nous donnons à la vérité perçue. Or, si les vérités sont telles que l'intelligence humaine les admet naturellement, comme sont les premiers principes, il n'est pas au pouvoir de la raison de refuser son assentiment, ces actes sont soumis au commandement de la nature. Mais il y a d'autres vérités qui ne forcent pas l'intelligence, et auxquelles nous pouvons donner, refuser ou différer notre assentiment. Or, à l'égard de celles-là, l'assentiment, qui est notre pouvoir, devient l'objet d'un commandement. 7. L'acte de l'appétit sensitif est-il commandé? L'acte de l'appétit sensitif est soumis au commandement de la raison. Mais non pas complètement, il dépend en partie de la disposition du corps et des organes. La raison, a dit le philosophe, commande à l'irascible et au concupiscible, c'est-à-dire à l'appétit sensitif, non avec le pouvoir absolu du maître sur l'esclave, mais avec l'autorité d'un roi sur des sujets libres qui jouissent de quelques droits. Note. L'apôtre, en disant, je vois dans mes membres une loi opposée à celle de mon intelligence, Romains 7, ne nous marque-t-il pas aussi que l'appétit sensitif, siège de la concupiscence, n'est pas entièrement soumis à la raison? Cette insoumission est sensible surtout dans certains mouvements qui suivent subitement les idées de l'imagination et les impressions sensibles. Ces mouvements échappent à l'empire de la raison, qui aurait pu, toutefois, les comprimer, si elle les avait prévus. Fin de la note. 8. L'acte de la puissance végétative est-il commandé? L'acte de la puissance végétative procède uniquement de la nature, il n'est nullement soumis à notre commandement. Note. Le vice et la vertu. La louange et le blâme se rapportent aux actes de la faculté sensitive, par exemple, au plaisir de la table ou de la chair, dont on fait un usage légitime ou illégitime, mais non nos actes proprement dits des puissances nutritives ou génératives, telles que la digestion ou la génération du corps humain. Fin de la note. 9. Les actes des membres extérieurs sont-ils commandés? L'âme, dit saint Augustin, commande à la main de se mouvoir, et celle-ci obéit avec une telle promptitude que l'on distingue à peine le commandement de son exécution. Les membres du corps, qui servent d'organes aux puissances de l'âme, obéissent à la raison de la même manière que ces puissances elles-mêmes. C'est pourquoi, les facultés sensitives étant soumises à la raison, tandis que les forces naturelles lui échappent, les membres qui dépendent des puissances sensitives agissent sous son impulsion, tandis que les mouvements qui résultent des forces naturelles ne lui obéissent pas. Note. La chair, dans ses moments de rébellion, n'obéit pas à la raison. D'après saint Augustin, cette insoumission est une suite du péché originel. C'est ainsi que, dans la désobéissance même du principe qui transmet la faute originelle, l'homme est puni de sa désobéissance à Dieu. Mais, ainsi que nous le dirons plus loin, question 85, la nature, par la faute de notre premier père, ayant été abandonnée à elle-même, après avoir été privée du don de la grâce surnaturelle dont Dieu l'avait enrichie, il est permis d'assigner une cause naturelle à cette révolte des sens contre la raison, ce que le philosophe a essayé avec succès. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.